Oui, alors bonjour. Vérifions un peu le son sur YouTube. Oui, Dadi, est-ce que le son ça va? Bonjour. Noël Boukila, est-ce que le son ça va? Oui, Solange Badia, s'il vous plaît, aidez-moi sur YouTube. Est-ce que le son ça va? Merci Solange, merci beaucoup, merci. Voilà. Non, je suis sur YouTube, Laya Mafuta, je suis sur YouTube aussi. Voilà. Bonsoir, mes chers amis. Nous pensons que la semaine a bien commencé. Tozu moi tamouké pour qu'on se dise bonjour et faire un petit commentaire sur l'actualité de notre pays. Voilà, le temps qu'on ait une cinquantaine d'amis pour qu'on commence. Mais la chanson qui joue, vous la connaissez? Voilà. C'est une chanson de Fabien Kusonika, composée Namunokambo Kanangai. Ça me rappelle encore parce que c'est depuis 13 ans. J'avais 13 ans quand j'ai quitté mon village. Et voilà donc, Fabien Kusonika me fait revivre encore. C'est pénible, hein, quitter son village à l'âge de 13 ans et au Tikala Kozonga Souti. Bon, voilà. Et si vous n'avez pas ça, Fabien Kusonika, vous les contactez, peut-être il va vous guider comment l'avoir. Je pense que sur Amazon, vous pouvez l'avoir. Voilà. Merci. Touye rapidement pour topé sa nambote comme d'habitude et puis toke na misala mususu on a cours dans dans 2 heures. Alors ikoui ko empêcher biso te topé sa nambote te. Nous allons parler un peu de la situation touye biango déjà mais tozonga toujours on rentre toujours pour Tolobelango, la situation bato ya mboka na biso bazali ko vivre et cette situation et ko mema biso juste na commentaire ya ya monseigneur Joseph Muyengo oyo azali monseigneur catholique na est ya mboka na biso dans le Grand Kivu. Et après ça, nous allons parler du voyage de Félix à Bruxelles. Tokolobela sur les finances, oui, comme une rouge. La rouge, ça signifie qu'il n'y a plus rien. Et puis, tokolobela problème, il y a Minembwe. Et tokolobela problème, il y a Lubumbashi. Ce problème de Lubumbashi sera lié au voyage de Félix à Bruxelles. Et tokolobela problème, il y a Katumbi. Et puis, problème, il y a passeport. Et le problème de Minembwe sera lié au problème de Banyarwanda. Voilà donc, bah, point, y a mi kousse, toke na mou kousse, parce que tolengi, toti ka moua énergie mouke, parce que to zala na 3 heures d'affilée ya cour. Et pa y na biso awa, et ko zala 24 heures. Et nangambu ya Amerikuna bako zala verba 11h. Ba 11h na Tongo, mais kotoyo verba 24h. Alors, comme vous le savez, bako reza toujours na ligne. Et c'est sur base, bon, y a des gens qui disent, prof Boni, pièce contre pièce ya bako, mais pièce contre pièce ya bako, na sina pièce ya ngo, photo bozo mona si mananga eza pièce contre pièce ya bako. Non, au besoin mon avant les aliba étudiants il y a premier graduat non deuxième graduat et tellement bah ils se sont enregistrés et belé j'ai eu au moins 400 étudiants na cour il y a introduction na ONG donc c'est un des cours au topesaka introduction à na ba ONG. Alors, ils ont cours moko étudiant bah s'enregistre ka mingi parce que il y a une possibilité de comprendre bah institution internationale bah organisation non gouvernementale na bah organisation gouvernementale donc intergouvernementale par exemple bah ONI par exemple. Alors bah étudiant bah yaka bakou na cours yo mingi pour bah comprendre peut-être que dans le futur bah mais qu'on s'est lancé qu'au Jomusala na bah institution internationale. Alors c'est un cours où bah étudiants d'ingé na bah yaka mingi et souvent jour il y a orientation bah yaka bangonyo sur notre chaka bangon na salamu nene d'ingé bomoni et puis par la suite na divise akabango na 3 ou 4 classes donc 3 ou 4 groupes. Parce que 400 étudiants na koko contrôler bangote parce que chez moi en tout cas ils allient bakuru nanga ils allaient toujours interactif donc quand vous venez au vandikuna silence et obimi en tout cas yeba ke efezo zelayo na suka de rolekati. Alors moi c'est interactif et vous voyez que ba asiatique ba na habitude akoloba mingi te na public balobakati. Alors, on a poussé à Bango toujours, baloba. Alors, mes étudiants, souvent, il y a des professeurs, baloba, étudiants, nous, ce soir, j'ai cours, il y a professeur Yombi, à Komaka, très bavard. Bango, la culture, na Bango, na public, baloba, kati. Bango, baloba, na ba email, aloba, comment on a rendu na bureau, j'avais une question. Mais non, tu avais une question, aux a qu'une auditoire, on a passé 15 minutes de questions. Donc, bazana habitude, on a été, culture, on a été, bandab, na bandaku, na ba famille, n'engue, batangi, sarabango. Bavanda ka calme zo mona lokola za zoba me za zoba te y comprend tout mais en tout cas to pousa bango balobani. Voilà donc na ngambu ya Amérique moi to zoba photo exacte parce que législation ba loi ya kuna ezala ka mystique au mon étudiant mususu aye ko funda yo azu photo na ngai ya publier yango mais en tout cas au niveau de la Corée j'ai une permission je demande toujours permission que ma photo ce qui est bimi na ko publier yango. Alors ils sont d'accord bango kutu bazar d'accord ba bimana photo ya prof Yombi voilà Et Nangam Amérique, tellement les situations sont moins compliquées, tout le monde a un risque. On a été au moins à Milouvor, on a un à utiliser un bafoun de prof Yombi à publier photo à étudiants. Alors, mais il y a des photos au Yo, Bilongezo, on a été, et Zaline, à Facebook, vous pouvez le voir. Voilà donc, Tokobanda, na voyage, il y a Félix, Boyebi, que. Makambuto lobaka, toyaka toujours koloba, bo comprenaka yango peut-être, mais batu oba comprenaka te bazali, oyo na lelo, tellement bazali, qu'est-ce que je peux dire moi? Ba kote sa bango, ba envuta bango juste na moi l'épinière, moyen va comprendre la minute exacte. Donc bango il faut prendre au moins une année pour na ko lobela bango pour ba comprendre. Mais il y a des millevores qui comprennent maintenant, qui commencent à s'élever pour na ko loba ke note aux ali rouler, bon moni ba vidéo ya IDPS bazala ki rouler, bazali rouler toujours. Mais batumingi ba yebite que la famille Tshisekedi ezali d'abord une famille ingrate. Ça c'est vrai. C'est une famille ingrate. Alors, ayez ko sangana na ingratitude tribale et pesi makambo ndenge zo pesa. Donc entre bango na kati ya tribu bazali bengra, donc bazali ko pesa na baku ya ba ingratitude entre bango. Alors, biso siko batotoza li banda to lobani parce que na kati entre bango baku ya ingratitude ezali. Ngamu na lobi yango te, vous avez suivi beaucoup de vidéos ya bande ko na bango, babenga kasoki ya wakacha wasi wakacha il vous l'a dit. Ah, même Mbote va pèser la raté. Donc, ingratitude entre banques. Et pour la famille Tshisekedi, ça commence avec le père. Vous savez, ni Tete Mobutu, Tshisekedi ne serait pas Tshisekedi. Mais Tshisekedi est mort ingrat envers Mobutu. Alors, Bokamwate, ceux qui ont moni Félix Hazard pour manifester acte d'ingratitude, Bokamwate, ils allaient juste na Katia Makila, na Bango, Bazali Ndengwana. Alors, Tolandi, il y a quelques jours, tuerie na kati ya ville ya Lubumbashi, la deuxième ville du pays, notre capitale économique. Tuerie et le Kikuna, batu bakufi, plus de 20 personnes bakufi kuna. Mais bien avant massacre wana, tuerie wana na Lubumbashi, information est circulée partout. Nous avons eu des informations qu'il y a des mouvements suspects. Il y a rébellion dans la ville de Lubumbashi. Alors, ce qui biso ba tout ozali ba citoyen ordinaire, tozui ba information wana, qu'il y a des mouvements suspects à rébellion na kati ya ville de Lubumbashi, a fortiori un président de la République ou yazali na ba ligne rouge ya communication. Ba ligne rouge ya communication dans le sens que toute information d'abord à partir il y a conception, il y a biloko anan, le service de renseignement, bako alerté déjà, service il y a sécurité nationale au niveau il y a présidence, et service il y a sécurité nationale au niveau du présidence, bako alerté président, le non président, il y a un mouvement, il y a boyé, et zali ko salement, na place X. Alors, le président a kozwa ba décision anticipative, a ko anticipé pour que, et loko anan, et zala, étouffé. Alors, au même moment où yo ba indice ya rébellion ezali ko pesa man na niveau ya Lubumbashi, vous avez suivi ba mort 50 personnes ont été tuées na est ya mboka na biso na Grand Kivu et président ajoua ki ba information na nyonso. Mais étonnant tozo zela ke président na Tangwa Yoki, la deuxième ville du pays, capitale économique où est Simbi Mboka na biso, rébellion ezali na kati. Ba rebelle ba koti na kati, on attendait l'arrivée ya président de la République ou bien a dépêché émissaire na ye d'urgence na ville ya Lubumbashi pour na ko étouffer rébellion wana, excusez-moi. Pour étouffer la rébellion. Alors, Tobandaï cause la tomona peut-être avion présidentiel y a atterri. Est-ce qu'il y a un avion présidentiel? Bon, un avion. Oui, ils ont même un président. Il y a atterri dans ma ville de Lubumbashi. Et pour que, quand même, cette situation ait dégénéré, que ma vie a battu et tout perdre. Batou Bazo, c'est le président de Lubumbashi. Ou bien Bazo, c'est le président de Goma. Toyo kakaka na bandeko na biso bazali na Europe. Non, notre national vient d'atterrir na aéroport ya Bruxelles. Comment ça? Rébellion ezali na mboka. Na ville économique ya mboka. Le président doit être là ou bien pour un problème de sécurité, président akotinda émissaire pour que problème rébellion elikate parce que basipsion et bandaki il y a 2-3 jours. Que ba rebelle bazali kokota bazomona batu moko suspect na ville ya Lubumbashi. Alors, totiko mona mutu moko te ezala wewa moko te ezala tinda ta fils mokoko ezala tinda ta kabuya. Mais non, toyoka président na l'institution première dame ba uti kokoma na Bruxelles. Ça c'est une trahison. Tout le monde est président de la République du monde. Mutu moko kaka soki ba bomiye. Le président, même si na programme na ye ezalaki a voyager kende sika boye, président a kokata mission ana a kozonga dirigeance. Parce qu'il y a un problème de sécurité na mboka na ngai, il faut a zonga dirigeance. Donc chez nous, les gens meurent, batu bazali massacré. Et Félix prend le plaisir, il y a qu'on mate avion, il y a qu'on voyager et l'autre chose qui n'est pas ça la kuna et zoye banate. Le président tanzanien lui a dit, et c'est là qu'il gifle moko parce que ce sont des gens où il va comprendre nakati. Bazali bato va comprendre nakati. Félix est issu de cette catégorie des Congolais où il va comprendre nakati. Boyebi bango bino moko va comprendre nakati l'autre. Le président tanzanien lui a dit en face. Ozali kozwa plaisir ya kotambola. Mboka na yo ezali na ba problème. Mais yo ozo sepela, ozo zwa plaisir ya kotambola. Outi na Burkina Faso, outi wakita na Kinshasa. Directement ozu avion, oye na mboka na biso na Tanzanie, to yambiyo na malamu, mais. Ozo zwa plaisir mingi, ozo sepela mingi na ba voyage. Ça signifie en langage diplomatique, et d'ailleurs, wana langage diplomatique ezante. C'est clair que comment expliquer mboka na yo ezo kufa, mboka na yo ezo beba, mboka na yo ezo ko beba, mboka ezo zinda. Comment yo ezo zwa plaisir ya ko mataka ba avion otambola. Mais, comme boyebi ke bazaba tumoko ba yo kaka eloko moko te, bon, il n'a pas compris. Ko zonga zonga ki na Kinshasa, eska vandi, ye wana zana Bruxelles. Ake ina Bruxelles parce que ba Congolais pour naïe, bazan importance mokoti. Parce que ba Congolais pa naïe, bazali na valeur mokoti. Ba Congolais ba koyi kokufa, ye azana problème moko a rendre na e pa ba Congolais ti. Bo bela, bo kufa, ba massacre bino, c'est pas son problème. Akeyi na Bruxelles parce que sa mère est gravement malade. Je pense que Satan Azali qu'on téléchargé de part il y a Marthe, la femme de Tion Tshisekedi. Azali gravement malade à Bruxelles. Et voilà la personne qui compte pour Félix. Donc Félix Azali qu'on agir toujours le coup là, un civil, c'est-à-dire entre guillemets, hein, un civil, Moutou Oyo Azali, président de la République T. Et pourtant, président de la République, le premier problème, Ezali considération nationale, considération privée, exacte. Vous verrez des présidents, papa naïe, maman naïe, Ezali malade, ou bien akoufi, il y a un problème national de sécurité. Akokenena n'est pas papa naïe, na cheva papa naïe, akokenena nous ko résoudre des problèmes nationaux. Parce que Ezali question d'évaluation en réalité entre le pays. Entre la sécurité et le pays, na mutu moko donc ta mère. Alors, il faut qu'on ait un responsable politique. Mais ayebi biloko wanate, ayebi makambo wanate. Azu y avion d'urgence, ye wana ke ina Bruxelles, parce que maman a ye azobela. Mais écoutez, pour cette histoire de madame Marthe, c'est une maman, oui, on lui doit du respect. Ce qui a zali ko bela, parce qu'il y a comme une âge moko y poussani, c'est normal à bela. Mais d'une part, nazali vraiment na considération ma kasite pour na mama oyo. Parce que na lobakango toujours, na tchakamutu na ngabokata, na lobakango toujours. Etienne Tshisekedi a komaki mokolo, certes. Etienne Tshisekedi azali mutu, certes. Etienne Tshisekedi azalaki mortel, certes. Mais, na lobakango toujours que la mort d'Etienne Tshisekedi a été précipitée par sa femme, na mwana na ye Félix. Na lobakango na yebi de quoi je parle. La mort d'Etienne Tshisekedi est précipitée par sa femme Marthe et son enfant Félix Tshilombo. Na vie a Etienne Tshisekedi a linga kite Félix azwata responsabilité moko. Etienne Tshisekedi a linga ki jamais Félix a komata surveillant ya école primaire. Ba surveillant école primaire o ba siflaka, tango ya récréation ba betaka sonnerie pour que bana ba kota. Etienne Tshisekedi a linga ki yango te. A tout moment soki a moni kombo ya Félix na liste ya responsabilité publique ya ndengwana, Etienne Tshisekedi a bandai kolongola yango. Pourquoi abandai kolongola yango? C'est parce que Etienne Tshisekedi ayebaki mwana na ye. Ayebaki ba faculté mentale ya mwana na ye, ayebaki handicap intellectuel ya mwana na ye et ye kosangana lisusu avec de les problèmes d'inceste na kati ya famille to lobakango, c'est vrai, ça existe et zala et salema. Etienne Tshisekedi azalaki sous na considération et pas Félix c'était. Alors Kabila a tenté Azoua Etienne Tshisekedi, mais Etienne Tshisekedi azala ki toujours tempé na position na ye de rester toujours espion. Ya ba belge na ba américain. Alinga ki ko salate. Makamba bandai ko lobawana le peuple d'abord, ngai peuple boye, ezala ki juste échappatoire. Etienne Tshisekedi était un agent double. Au service ya occidentaux batunyo so bayebi azala ki ye mokote azala ki bazala ki belé par exemple na koyo ko cité ye Etienne Tshisekedi Kamitatu Masamba Jean-Marie Bomboko donc batwana bazala ki ba agent double au service des occidentaux c'est vrai alors excusez-moi parce que je suis en train de perdre ma batterie là hein. Excusez-moi Voilà. Donc, Etienne Tshisekedi, Ndenge na bandeko koloba, azala ki un agent double, alinga ki en réalité ko salate. Parce que quelqu'un qui avait les soucis de son peuple, ou azala ki na souci ya mboka, Mobutu l'a donné beaucoup d'occasions pour que Azwa Moussala Asala a changé. Même na dernière minute, Mobutu s'est considéré déjà mourant. Mobutu voulait laisser le pouvoir à Etienne Tshisekedi. Mais Etienne Tshisekedi évitait toujours le pouvoir. Et les autres, il faut comprendre que si Etienne Tshisekedi évitait le pouvoir, ce n'est pas seulement parce qu'il était un agent double au service des Occidentaux, mais c'est parce qu'il n'avait pas cette capacité intellectuelle de travailler. C'est vrai. Etienne Tshisekedi était un vrai faux docteur en droit. C'est vrai. Etienne Tshisekedi était un vrai faux lettré, c'est vrai. Lelo biso so to kufi na sima bana na biso so ki baye, bako mona au moins ce que nous avons écrit, bako ya na mesa na ngai, bako mona ah papa zalaki na projet ya boye, papa zalaki na projet ya boye, papa a écrit ça, papa na zalaki na boye, voilà ezali. Mais Etienne Tshisekedi a kufi Banda Botama, même une phrase exacte. Mais il est docteur en droit. Quel est ce docteur qui n'a jamais écrit même moi TP Moko? Quel est ce docteur Oyo Azate, même essaye Moko Ezate? Oyo docteur na ya droit ya ndengenini. Parce que au niveau déjà de master, vous devez écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire. Alors, il y a des C quand vous écrivez. Batu mingi bachaka droit d'auteur, aligni ko publier yangote. Ba essaye na ye, nyonso aligni ko publier yangote. Bazali, batu anemona bazali e belé. Alors, ce qui aligni ko publier te, mais era koufi quand même à titre posthume, babi mixa ce qu'il a écrit. Il n'a jamais écrit, même papier moko, ya A4 duplicataire, a commande annoté, et tu sais qu'il dit aussi, était un inapte intellectuel. Alors, ayeko ça la mythe autour naie et ba mensonge union autour naie les lo na liwa naie te ko mona ke y avait un vide na carte, il y avait rien. Alors, pour nabimate na logique ya voyage à Félix, Kabila a cherché nani akoki ko somba, et tu sais que c'est difficile. Et tu sais que ba si ba sombaye. Alors, il faisait toujours semblant. Mais Azalaki déjà moutou yabatou, yab occidentaux. Kabila s'est dit, bon voilà, nganazo somba moi nanaye. Avec moi nanaye, ça va marcher parce que moi nanaye alingi mbongo mingi. Moi nanaye alingi kolia mingi. Soki na bengisye yaka na kingakati, okolia, moi nanaye akoya mbango. Yaka obimana quelques valises, moi nanaye akoya mbango. Voilà, c'est pour cela. Kabila Azuis Félix, AMC Félix, bon voilà, nga la ligne na pesa bino pouvoir, bon lité pendant 37 ans, papa na yo, mais papa na yo aza toujours a radical. Alors, nga la monike, yo o ede nga po na ede bino. Oh, na ede yo ndengeni. Bon, yo ede biso dans le sens que la ligne ko pesa yo pouvoir. Mais ma tentative nyon son azala yiko sala pour que na pesa yo, même moi responsabilité, même ministre, même moi comme premier ministre, ton père abanda yiko empêche yang, azo ko empêche yango. Donc, Kabila dit à Félix, ça, ce que je vous dis, ezali ba intimité ya moutoua Kabila. Kabila a dit à Félix, moi je n'ai pas un problème avec toi. Nga na zana problème na yote. Le problème, c'est ton père qui m'empêche pour que na pesa yo ta responsabilité moko. Alors, Kabila stratège, il dit, bon, choix, il n'y a pas na yo. Ce que l'ingi na pesa yo, même présidence, na ko pesa yo. Mais à condition que papa na yo a zala wana te po a empêche nga yi na pesa yo. Yo moko yebi, so ki na pesa yo, même poste moko ya bourgmestre papa na yo a kolingate a fortiori présidence. Alors choix ezali pa na yo kende ko raisonner benga mama bovanda bo raisonner boye langai une solution que ce qui n'a pas eu le pouvoir papa na yo a ko empêcher ngaité. Alors Félix rentre à la maison, mama m'a dit toujours akouta ina mama na ye a yebisi mama na ye. Et ils ont comploté. Oui, c'est vrai. Papa n'a eu à l'ingakate. Papa n'a eu à l'ingakate, ma peso responsabilité. Alors, tout ça, l'indigène, a commis peu moukolo, a commis peu kobela. Tant n'a eu koki, alors papa vanda, tout n'a eu même na centre, moko na Europe. Te, ye azalaka moutou ya bakoulou. Pour que n'a vendi sa yé na centre na Europe, a wola mouka. Alors, loko la komi deja mokolo, bon, moni pe nzoke lembi, kote le mazo koka soute, biloko nyonsu makolo ko vimba, vimba, pamba, pamba. Alors, to edeye a kende ko pema, moli mona ye kende ko pema. Voilà. Pouvez-vous croire, parce que lelo la thèse o ezali Tshisekedi ya kofa na liyanzi. Ça, c'est vrai. Tshisekedi ya zwa liyanzi na mousapi ya likolo. Balongola liyanzi wana. Na tango balongoli liyanzi, je ne pense pas que pa Tshisekedi, soki balongoli liyanzi, ndengwana alcool ko yiko zanga. pour désinfecter ici Kawana. Ils ont laissé Tshisekedi comme ça. Les Kolebani Kovimba yango et Memiye Kabila abimisa avion médicalisé pour ba memeki Tshisekedi na Bruxelles na hôpital. Liyanzi mutoloko le tient Tshisekedi liyanzi. Et compliqué likolo ba memiye na Bruxelles na hôpital. Arrivé na hôpital. Boyebi ke Etienne Tshisekedi azalaki na bana ebele. Etienne Tshisekedi azalaki na ba petit-fils, na ba petite-fille ebele. Bango la plupart la famille d'Etienne Tshisekedi bazalaki na Bruxelles na Belgique. Pouvez-vous croire mutuloko Etienne Tshisekedi wa Molumba? Na batu nyonso ba milouvor oyo balandaka babandai ko landaye. Pouvez-vous croire que bakoki kotika Etienne Tshisekedi na hôpital na Bruxelles na coma? Je dis bien na coma. Batie na salle privée verrouillée garde malade moko azati. Je sais que na poto okoki koza na garde malade ou pas problème azati parce que kuna ba infirmière bako s'occuper na yo. Mais attention, pas n'importe qui. Une personne locale est un Tshisekedi wa Molumba. Kozala na hôpital, même si ba garde ya hôpital bazali, mais la famille ou bien ba garde corps na ye ba kozala toujours pembeni pembeni ya hôpital. Parce que n'importe qui peut rentrer à koyi kozala n'importe quoi. Et ça s'est passé comme ça. Marthe azala kite na hôpital. Marc azo sala ba chana ye ya mapangu na ye ya mbongo kabila pesa ki Félix na Bruxelles. Félix azala kite. Félix azo ke ne ko diskuti ko landa ba suivi na ba Wilonia po na ko suivi ke ba dir ya kabila e changé te na Ibiza. Bana nyonso ya Félix mutu moko azala kite. Bana ya Félix ata mutu moko azali na hôpital. Na lobela bino likambo oyo. C'est comme ça que yaya ya Katumbi. Le grand frère ya Katumbi, pas grand frère biologique boyebi situation ya Katumbi na grand frère na ye. Grand frère na ye un kabiliste de sang a longwe Kinshasa ke Bruxelles a kende kotala et tient Tshisekedi wa Molumba na hôpital. Étrange. A comme un hôpital à se présenter avec des photos yaye na Etienne Tshisekedi à se présenter na réception hôpital à la kisi ba photo na yeko tala moto oyo azali camarade na ngai botala ngai na ye na ba photo balobi no azana salle moko verrouillé mutako tala ye azate azali na koma abi non c'est mon frère il faut na mona ye. Ba infirmière wana ba belge ba yebi peut-être tient Tshisekedi te. Ba infirmière wana ba yebi politique ya Congo te. Ba infirmière wana ba yebi te ba manigance ya ba politicien congolais. Ba infirmière ba yebi te que mutu moko ko yiko ya ko sala ye mabe parce que pour eux ezala ki juste un malade. Ezala ki un politicien te pour na ba infirmière. Peut-être ceux qui battent hôpital, bah yeba qui peut-être battent l'écolo y a hôpital, mais ben infirmière bah yeba qui te. L'infirmière voit ba photo y a Etienne Tshisekedi, na grand frère y a Moïse Katumbi. Infirmière oui bon, na ko escorter yo parce que la salle est verrouillée, je dois la fermer. Bah kei, bah comme une porte, l'infirmière a fongoli ba porte, deux portes avant au commande la salle Etienne Tshisekedi azalaki. Et le monsieur demande à l'infirmière Atika Bango azala libanda Atika Bango mi baleba solola. Les gars rentrent na kata salle. Etienne Tshisekedi na koma. Asali 5 minutes. Na 5 minutes wana asala ki nini na kata salle caméra izala kite. Mutu mususu azala kite. Libanda salle membre ya famille moko azala kite. Garde corps moko ya Etienne Tshisekedi wa Molumba azala kite. Qu'est-ce que le monsieur a fait? 5 minutes après le monsieur sort. Infirmière a kangi porte. Et le monsieur ye moko a lobby na kendaki na hôpital, libanda ya salle, membre ya famille mokote, et tu sais ce que dit mourant ye moko na kati ya salle. Bo finga ngai te. Le monsieur l'a dit ba vidéo ezali. Le monsieur a regretté une personnalité locale et tu sais Molumba ye moko na kati ya salle. Na comment libanda ya hôpital na libanda ya porte membre ya famille mokote. Monsieur Etienne Tshisekedi bafulu ezobima na munoko na zolo ye moko azokufa. Il a dit. Le monsieur sort. Quelques heures après, Etienne Tshisekedi wa Molumba kufi. Na tango Etienne Tshisekedi wa Molumba kufi, nous avons vu Félix vous promettre que liwaya papa nanga na zomona yango suspect et pour lancer enquête poto yeba nini ebomi Etienne Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Félix qui l'a dit. Ti lelo tozo kende na 4 ans. Moto mokote wewa mokote milvor mokote azotu na Etienne Tshisekedi boni enquête ya liwaya Etienne Tshisekedi wa Molumba. Bandeko tozali batu ba humain ndenge na retracer ti liwaya Etienne Tshisekedi wa Molumba bozali ko mona marte na mwana na ye Félix ba suspecte soki vraiment ba enquête indépendante ezali ba premier suspect ba kozala banani. E kozala marte te, koma mobali na yo, bo boti na ye bana, bo sali na ye bane, aye ko kufa, na moma oyo mwana na yo, oyo asala nano ata mkolo moko, mwana oyo bota pendant 53 ans, atikala ko sala te, ata mwa kopo batumso bazalaka mwa chayere biso toteka ba manteka ke non asombi mwa manteka na yake ndiko chayere ata na ville asala yango nanu te pendant 53 ans mbala moko remarke ke mwana wana komi na mbungu ebele mwana wana komi ko frekante kabila akomi na mbungu ebele komi tuna yo mwa ba question te directement ton mari tombe malade ton mari na koma na hôpital mourant yo zati ozawapi mwasi nini oya kotika mwana mobali na ye o baboti na ye bana na koma na hôpital ye azana ye na ndako azo ronfle bana Etienne Tshisekedi lelo famille présidentielle. Ni tete Etienne Tshisekedi wa Molumba, Félix ne pouvait jamais devenir président. Jamais, alors jamais. Wana ezala nzambe, ye moko ayebi ezala Satan. Ayebi. Ni tete Etienne Tshisekedi wa Molumba, Félix ne pouvait jamais devenir président. Alors, Félix na Marc bazali ba suspecte. Na ebi ki bo fingi ngayi. Mais demandez-vous, na ba circonstance o yu aliwaya Etienne Tshisekedi, Marte na mwana, ye baza ba suspect li bo sote, ya ko intero. Bo jwi ba réponse na bino moko. Alors, to le ka na problème ya Minembwe, cette situation, bo yebi ezali une situation ezo bebi sa biso mitema. Ma bé déjà ezali dans le sens que batu oyo basali na opposition 37 ans na tango bokomi na pouvoir il faut faire très attention il y a des ministères oyo il faut pas ko tia n'importe qui Félix problème na ye ezala ki présidence ba benga ye président ba honneur mbongo Félix azala ki na problème ya gouvernorate parlementé Sénaté, Naloba, Assemblée nationale, ye kaka présidence ba benga ye président. A yebite ki epo na kozala président ezali na ba périphérie oyo ko soutenir yo, ezali na ba poto oyo ko soutenir yo, ezali na ba ministère, parlement ko soutenir yo, sénat ko soutenir yo, gouvernorat ko soutenir yo. Ye a yeba ki biloko wana te. Ye seulement la présidence ezala ki souci na ye. Ba ye ko zwa ministère ya décentralisation ya territoire, ba pesi yango epa ya Robertois. Mais cahier de charge ya Robertois, ezali azali na droit, ezali na fonction na ye, na responsabilité na ye. Ya ko kata ba province, ya ko kata ba territoire. Et maintenant, voilà, les Congolais s'étonnent comment Robertois a été installé administration publique dans Minembwe. Minembwe est comme territoire. Et aye ko tia oncle na ye, ce qui bourgmestre, ce qui commissaire, ce qui commissaire à territoire. Ce n'est pas à ce moment ici, il fallait qu'on revendique que l'administration publique est à la Nabanya Rwanda, na Minembwe, ce n'est pas maintenant. Et ça, qui, au moment où vous avez vu Robertois, ministre de la décentralisation, il fallait se poser déjà ces questions. Les lots qui vont contredire Robertois, Robertois viendra avec ma loi. Responsabilité à ministre de la décentralisation, ils animent. Nani a pesié ministère wana Félix c'était et razo pesié ministère wana yebakite que ministère attribution à ministère wana ce malheureux notre pays est allé foutu déjà avant. C'est pour cela nous disons batu oyo nyosi fou bakende. Félix doit partir et maintenant que Robertois vient d'installer vient d'installer le Banyarwanda, Rwanda, à Minembwe. Alors, maintenant, tous les gens qui sont mis sur la mission pour nous. Maintenant, tous les gens qui sont mis pour nous. Regrettable. Tous les gens qui sont na coin qui sont à l'est, vous avez vu Monseigneur Muyengo, ou Azali, Monseigneur de l'Église catholique, Kuna. Na balabala était na potopoto je dirais a telemi likolo ya ba potopoto azali ko dénoncer gestion ya mboka na biso boyebi ki est ya mboka na biso ezali la partie la plus taxée ya Congo kuna ba taxe ezali kirikiri. Bazobo mabiso, makilezo tanga biso, batakse pay, ba minere na biso ezo kende pay, bana na biso, basi na biso, bandeko na biso mibali bazo viole bango e pay, bana Rwanda bazo s'installe e pay, Monseigneur alobi clair, makambo ndenge ezali koleka. Le peuple est d'abord ezali slogan ya escroquerie. Moi, je pense que Etienne Tshisekedi, banda ki makamunaye ya le peuple d'abord, c'est une personne. Bokoyi ko timulaye esika ba chaye nan tele, bozwi mikwa na ye bo pandre yango. Le peuple est d'abord ezala ki slogan ya escroquerie. Monseigneur Joseph Muyengo l'a dit. Et loko mokote 100 jours nanzela na potopoto sika telemaki ezali nzela route numéro 2 route numéro 2 en réalité ba route wana ba route principale numéro 1 numéro 2 numéro 3 ça dépend ezali ba route il faut ezala ba autoroute il faut ezala ba autoroute express. Mais botala route numéro 2, il y a Bisso, il y a Félix, autoroute ezali potopoto. Et mon Seigneur demande la révolution populaire. Bolingi batuba lobali susu lengeni. Mon Seigneur a lobi solution ezali kaka révolution populaire. Nami beko ezala ba pasteur oyo bazwa ko tchabino ko endormir bino. La Bible dit respect ya mibeko. Ya nzambe na nzambe ya kaisala na kaisala. L'article 64 nous donne l'autorisation ya révolution populaire. Parce que nous avons un groupe de deux personnes qui ont raté l'école. Bako yiko tika pouvoir jamais parce que ceux qui batiki yango bako zwa yango lisusu jamais. Alors ndenge bazui bazo kende ti Jésus akoya bango moko balobi bako rendre pays mokolo Jésus akoya. Donc bako pesa pays na maboko a Jésus mutu mususu te. Mon Seigneur na mona ya suka vous avez senti. Il a dit laissez-moi calme. Ayebi dire cette vérité sor na ye ayebi yango. Félix ne peut pas admettre biloko andengo na obinisa buzoba na ye boyi na poelele na poisa. Kabila ko iko linga biloko anate. Et mon Seigneur ayebi que après koloba a cause la calme te mais il a demandé botika ye calme. C'est de même bozomo na ba liste ba bimisi de photos qui circulent, ba photo na biso. Batu ya kwa batre. Il faut kwa batre bango parce que bango nde batu bazo la musa ba Congolais. Il faut kwa batre bango. Nous, en tout cas, nous sommes prêts. En ce qui me concerne, je suis prêt. Na yebi que kobima nazo bima libanda. Na yebi que jour na okuta nana milovor mukolo nanga ya suka sur cette terre des hommes et aux alamukolowana, Nayebi. Mais avant Bozwangai, il faut nabimisa, nyonso nazanango. Il faut nabimisa. Ce pays ne vous appartient pas. Les alimboka nabisonyonso. Donc, la situation que le Monseigneur Joseph Muyengo a détaillée est la situation générale de notre pays. Est la situation générale. Rien ne marche. Et l'okomoko ezo marchete partout, sauf la famille ya Kabila, sauf la famille ya Tshisekedi. Alors, tokende na likambo ya Katumbi, ba sipson deja, batu o bazali na cercle ya ba finite na bango, nous signal deja Katumbi azali azongi, le comeback, le retour de Katumbi, et pa ya Joseph Kabila. Moi, j'ai dit à cette personne que, oyebi batu loko la Katumbi, Kamere, Katumbi, Kamere, Kamitatu, tous ces gens-là, Mozito, Ezali Batubatika Kabilate, ils sont toujours avec Kabila. Kabila les a créés agents doubles. Ozana Kabila, Mbala moko au traverser balabala au commune opposition au commune automatiquement saint mais non Katumbi atika Kabila tika Katumbi est toujours avec Kabila. Désolé, c'est une réalité. Katumbi est toujours avec Kabila. Kamere est toujours avec Kabila. Mozito est toujours avec Kabila. Et pour le bel Kambo, il y a Mozito, une idée m'est venue à Fayoulou, parce que Mozito est toujours avec Fayoulou. Mozito est avec Fayoulou, c'est pour surveiller Fayoulou, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour surveiller Fayoulou, Fayoulou a zosa la nini. La présence de Mozito na côté à Fayoulou est alité pour n'accueillir ba Congo ya nini, parce que Mozito a été là pour détruire ce pays. Il a été avec son oncle Gizenga. Gizenga makolwe lembi. A ABC Kabila, bon, nga makolwe lembi neve na kai azwa relève. Mozito a remplacé son oncle Gizenga. Toujours bakabiliste. Et basali ba stratégie, Kabila lui demande de traverser la route à kende koto position, mbala moko Mozito a commis saint. Mfumum pa. Mobetele maboko, mfumum pa. Mfumum pa. Sa présence autour de Fayoulou est allée pour nous surveiller Fayoulou. La présence des caméras autour de Félix est pour surveiller Félix. D'abord, Félix, c'est inutile. Bon, Moni Kabila Zaka a stratège. Félix, c'est inutile à Rochelle et Mouta surveiller parce que qui yungo Rochelle et Mouta surveiller pourquoi? Ma caméra est là, le coup là qui yungo et Zomonana. Alors, Rochelle et Mouta surveiller pour Asalanini. Peine perdue. Peine perdue. Félix n'a pas besoin d'être surveillé. On le voit. Ma caméra est là. Alors, donc, je disais que, dans la parenthèse, il y a Mozito, l'idée de Fayoulou m'est arrivée. Mon frère Nabiso Balobaka, toujours, non, Fayoulou, c'est un Sénégalais. Maintenant, écoutez, Bozali n'a pas ouéwa, na Kinshasa déjà, Bozali. Soye bolingboye bamboka ya Fayoulou. Boko yuko zwa moto, keyi oleki Masimanimba. Nandela ki kuit. Vous allez voir le village de Fayoulou, na Fatundu. Moi, j'ai déjà visité Fatundu. Fayoulou n'est pas un Sénégalais. Bananjili. Vous voyez, Fayoulou, t'es? Moi, je l'ai rencontré dans la conférence nationale souveraine. Je l'ai rencontré dans la conférence après conférence, je pense, ma téléphone est comme ma cellulaire. C'est le tel, je pense. C'est le tel ou bien c'est le tel, hein, quelque chose comme ça. Et je suis dans la cabine de Sainte-Thérèse. Je suis dans le quartier 3. Je suis dans le quartier 3. Na Kingoi. Avenue Kingoi dans le quartier 3, dans Njili. Je suis dans le là. Et pas de dialogue. Je suis dans le city train. Monsieur Diallo a tonga ndakumoko et sera qui très propre parce qu'on a un viande très cher. Ceux qui osent la mbongoté osent la gâter au foot et la kunate, mais c'est une parcelle. Zaki ba parcelle, je pense 4 na 4, mais à tonga très bien na 4, 14 portes. Na musika so yuki 14 portes aux banga mais au isali école, mais non na 4 très propre banda ku bien na bande ko foot et la wana. Na kei na somba téléphone na Sainte-Thérèse ba fongoli cabine ba to bazo tia molongo, c'est là où j'ai vu Fayoulou aye ko somba téléphone. À cette époque là aye bana kité bon mutu moko ba bino mutu wana za conférencier comme on a hier Dani Martin Fayoulou avant na kanjile wana quartier 5, bon voilà conférencier, c'est tout. Je ne savais pas qu'un jour, à Rokoma Populaire, bon, je ne savais pas. Alors, Kolobake Fayoulou, Azali Sénégalais, Wane Azali ba Fofouyan. Bon, Bishopé Baloba, tu as cuisiné. Baloba, tu as cuisiné. Bon, ba photo, Oyo Nassima Boye. Ba non, nyon, so vraiment ba Coréen, Oyo. Parce que na Kationa, ce n'est pas seulement les Coréens. Ba Asiatique presque. Ba Coréen, ba Chinois, ba Japonais, ba. Baba indien, bazana kati. Vraiment, ba papa ou na ba mama, ba tindi ba na bango, bazala liboso ya cuisinier boye vraiment. Hein? Do ba ye kaka po ba ye kolande nini balamba ka milu. Bato ba nonyo so vraiment, ba ye po ba ye kolande nini balamba ka milu. et pas cuisiner mon koyamouyaka. En tout cas. Donc, ce n'est que normal. Baloba, baloba, ndengwana. Bijo mkolo msuba ya obimabwe, ba ebisho oza Rwanda. Obimabwe pe ba ebisho no oza Tanzania. Comprenez? Moutou moukout aloba déjà, aloba ke yombi wana bomona kawana talale ilongine ndenge ezali, aza Rwanda. Heureusement, ndeko ya papa nangai, qui fait son doctorat en Amérique, a interpellé Abi Vanda na yo. Wana penza makila, mwana ya chef coutumier. Donc, bon, luka histoire mususu pona fayulu, mais en tout cas l'histoire des nationalités, wana ezali ba bêtise, hein, parce que toyebi, c'est après drogue, après befe ya soupe ya milou, ça donne toujours ba makambo ya ndengwana. Voilà. Et problème de passeport, il y a pas congolais. Je pense que tout est négocié ça avant, voilà. Passeport ezali droit. Il y a citoyen. Et surtout, bah citoyen y a mboka o bazali banda y a mboka na bango. Parce que na bamboka nyon so ba loi il y a immigration et lobby mutu nyon so en réalité mupaya nyon so si ko zali il faut zala na passeport na yo na maboko na poche. Parce que ce que vous avez na passeport, le loba komisa ango na droit criminel, vous avez criminel. Bamboka mingi ba kotisa ango na droit ya ba terroriste, vous avez terroriste. Vous avez na identité te, en cas de problème, ba ko localiser yo mutu ya wapi. Il faut zala na passeport na yo. Alors, le passeport, c'est un droit, c'est un document oyo mutu nyonso azali na droit ya kozala nango. Et na bamboka libanda mutu nyonso azali na obligation ya kozala na passeport na yo. Bamboka lokola bamboka asiatique. Na Europe kuna soke yo omona batelimishi yo ba yibike batu bazwa ba nationalité na bango ebele ba kosenga yo carte d'identité na yo. Mais na bamboka lokola ba Japon ba Corée okuta ina police boy, police a osengo identité te. Police a osengo passeport. Même problème ya conduite ya route. Police a zo ya problème ya route. O brile fe, o brile betap, o legisi vitesse. Police era, pardon, a telemisi yo. Era remarqué oza mupaya. Ako tou non permis de conduire na yote. Akotou na yo passeport. Nga moko nazala victime nango. Nazala victime. Na wuti ko somba voiture. Ya sika. Une semaine. Fe rouge. Na telemi. Mama moko ayena sima. Mouna gite atuti. Bon. Kuna soyibo tutani. Des autres des athées, oui, ou bien assurance, na yo, yé pas bien assurance, et puis assurance va discuter entre bango, ou a zone à faute, à réparer, ba cause à sali. Maman, ou kita kiti, a moni moutou mwindou, a bandi ko ganga, eh, ou sali ma bête, mais pour voiture nanga, caméra, ya si mezali, ya ni bosse zali. Mais non, yo moni ferou, j'étais, non, ferou, j'étais, comment tu fais déjà, yo, télémi, même na télémi, yo, il fallait klaxonner. Ou bien, on a dit qu'il n'y a pas tout à fait. Oh non, non, police. Et là, il y a un samedi, na y a un côté de l'angai. A ce moment, on a bien été. Quand on a déjà ébandi, police a yé. Police, on a comme un comique à la boue, on a monika à moutou mouindou. Eh, passeport. On a peine à côté de l'angai, na kiti pe la pour moi, on a bien été. Mabi men aweza makama passeport na zu permis de conduire na pesie. Non non non non non, asimila permis de conduire passeport na yo oza mutamboka nini. Nabi aweza makamba passeport. Carte nanga d'identité so lingi na ko pesa mais permis de conduire pe on utilise ça comme carte d'identité yango wana. Non non non non non. Passeport. Et passeport. So passeport za te toke station à la police. Bon, allons-y. Ngana ikoti nanga bazo mona ngete. Toke tina station à la police. Arrivé na station la police, ba bengi mama na basoli, voiture nangai ezalaki Jeep. Jeep ya Kia Sorento ya sika. Na Corée ba Jeep wana ezali aux environs de $40,000. Mama wana camion na ye réseau ya kala. Basala kango soute ba nostala ngona na deu. Ijin musu ba camion ya Corée ya deu. Basala kango soute. Police aya lobby non. En tout cas, ça qui est rare pour des maraquites aux okété yango touti yo. Il faut foutre à mama oyo. Pesa $5,000. Pesa numéro compte na yo. Mbongo za na banque. Qu'est-ce que vous dites? Na longoli écoute. Na kiti si. Policier moka sa ekuna talika kabi. Oh! Aye, abi, huxi, abi. Est-ce que ozali professeur yombite? Gabi, oui, ezali ngai. Ah! Bango nyoso. Na ba oba vane kuna ba osala makamusu ba telemite. Ya, professeur, nini lekini susu boyini? Gabi, mais, makamuzo yip sangana zo comprendre. Mouté. Ah, professeur, zela. Ba bengi mama wana. Basololi. Après aye aye singa rubino professeur limbisa moi erreur moko ya compréhension ezalaki bon moni mama oyo aza pauvre en tout cas aza pendant na mbongo te est-ce que moyen ezati ou abandonner kaka yango bon to moni peinture longo e pa na yokuna outi ko somba ngo pe ya une semaine donc garantie ezali sus pokoyo ko zonga na usine ba ko bongise sika wana mais il faut pe sa une raison donc c'est comme ça bamboka msusu. Donc, si vous avez un passeport, c'est un problème, vous avez un crime. Alors, les Congolais, combien de gens ont un passeport dans le Liban? Vous avez un passeport à Congo, vous avez évité ce que vous avez. Passeport, à part le passeport, vous avez un passeport na Congo. Na tikala avez un passeport ya Congo. Vous avez évité ce que vous avez. Alors, vous avez un passeport. Salaire pousse si ko yo passeport ezate tant na ya ko zonga mboka ekoki akoyi ko zonga te passeport ezate bakeni na ambassade ya Congo po bazwa tena lié po azonga na mboka ko kozwa tena lié na ba ambassade il faut ko corrompre il faut ko pesa mbongo na ba escro ya ba ja ba ambassade ya Congo ba congolais bazo sala nini bazo boka ngunda mais oui akozonga Congo ndenge nini akozonga Congo ndenge nini passeport ezate. Ake na ambassade basa ila tena liye bazo senga ye mbongo. Un étudiant ou a outi kotanga asilisi classe passeport expiré passeport musu ezate azana mbongo te. Alors bosa ila tena liye azo avion azonga na mboka il faut pesa mbongo pour pesa ye tena liye wana étudiant ou a kozwa mbongo wana wapi pa azo tena liye. Alors l'étudiant fera quoi? Akoboka ngunda te. Alors, même ba droit na biso moko. Ce qui ambassade azo sala batena lié te. Réunissez-vous boke na ambassade. Boko te la bango, basala batena lié. Ezali droit na bino, bazali ba jan na bino. Ba futa ka bango na mbongo na bino. Il faut basala musala na bango. Tena lié, ezali droit na bino. Ezali obligation et pa na bango, basali la bino yango po bozonga. So ke basa ile bino angote alezi na kati ambassade bo obligé bango basala yango c'est un droit. Me Congolais ayebi ba droit na yete azo ke ne ko bonde la bato ya ambassade pardon nazana $500 bozo senganga €500 nazana ngote €200 nazana ngote nazaka kana 100 te 100 te so ke azali mwana mwasi vous comprenez. Pesa na no 100 ozana ngo par la suite vous comprenez. Batu ya ambassade Congo musana bango kwa bize bana na biso ya basi bandeko na biso ya basi et surtout so ba moni bango na point ya faiblesse wana alors Félix wapi ba passeport pona batu ope vraiment et comme to bonde na chilumba po ope sa batu ba passeport ko senga passeport et comme ils sont ba jaloux ba tribaliste ba to ba ko senga passeport te ba ko zana passeport te Et voilà, je pense que tu couvrir nous sommes là qui dans le poto loba l'héros. Dans mon moment ezali que bande ko bimatozo bimaboye moko moko tozo loba tozali ko bimate pour na ko plaire galerie tozo bima parce que mboka na biso est commis à niveau moko insupportable. Insupportable. Mboka na biso est commis, moi écoute au classement ou exacté parce que il y a pas de critères de classement de développement pour la Congo. Exacté parce que pour nous classer ba mboka, la Banque mondiale par exemple, ba se basaka sur ba critères. Est-ce que mboka au critère boyezali, mboka au critère boyezali, alors bo classer yé nana bimi liboso. Nanabimi ami balé, nanabimi troisième. Mboka na biso ba critère wana nyonso de classement ya ba index ya développement exacté. Donc ebimi na considération ya ba mboka qu'il faut classer. C'est comme nos universités na Congo. Les critères ya ba université pour nous classer ma top université dans le monde, ma critère est allé au Congo, ma critère wana exact et le Congo n'est pas considéré pour que ma tchango na liste ya ba pays oyo ba considéré que non, pays oyo, bon, voilà, enseignement na bango boye, enseignement na bango boye. Exact. Mais yoka noa, yoka monoko. Après avoir corrompu ma professeur, Bangomoko, ils se font corrompre. Yokamunoko. Mais vous n'êtes pas considéré. Vous êtes considéré dans ma classement, il y a ma monde. Il y a monde. Donc, Félix visite Naïen à Bruxelles, les alliés pour Nagoyeb Sabino qui il s'en fout de vous. Pour naïe, zali maman naïe, maman m'a dit, azobe là, ma collègue, zote le masus malamouté, désolé, pour naïe, bon, ah, je pousse à ni, ce n'est que normal. A ou mérite mingi na mokili, bon, soit ke y pia ke le wokuta, mbali naïe, mais kuna, en tout cas, soit ke y divorce, c'est ça. Ça, vraiment, croyez-moi. Si maman Marthe a tiki mo limo, Kuna na mboka ba wey so ki vi ezali, divorce le même jour. Parce que cette femme a tué son mari pour que moi na ya comme président. Elle est sorcière, criminelle. So ki na kosi. Et tel tisere de mon kola koufa ki ya zala ki wana? Botou na ya zala ki wana. Et quand vous criez ici, moi c'est Fayoulou, camerounaise, Fayoulou, mais c'est interdit de se marier dans Moupaya? Ce n'est pas interdit. Alors, ce qui est une logique, Marthe Azamoutawa. Vous pouvez savoir ce combo ya Mboka ya Marthe, Mama ya Félix. Alors, Bakongole Tolingini. Soit toti kako lela lela pase le ki mboke bebi mboke koufi, soit tout élément, tout défendre mboke kanabiso, ezo koufa et koufi déjà. Tout élément sa mboke kanabiso. Ne cédez pas na ba intimidation. Batia ba photo, ya ba toko bouma, batia te, on s'en fout. Problème na biso ezali Congo. Nous avons un problème avec notre pays. Il faut mbo cannabiso et vivre. Alors, ce qui est bon, l'ingité, vous dites que vous allez aller là, vous supportez pas si. Vous supportez pas si. Oyo mbo kanini, oyo, babongi sakambetu ya baburo na bango. Ba ye babomi bino, bazo yi babino, bozo bongi sela bango bambetu, ba kiti po, ba lala bien, ba vanda bien. Oyo nyon so bazo gangaka fachi beton, fachi beton, fachi beton, raïs. So landeli bango malamu vi moko miserable. Mais conscience e zakakate. Yako yebake, mboka na biso soki komi lelo na niveau oyo, oto zali sikoyo. Y a des choses. Parce que y a des gens oyo bazali na ba carence. Y a instruction. Qui se disent il faut du temps à Félix. Mais non. Ezali na makambo ba pesa ka temps, ezali makambo ezwa ka temps. Ezali na makambo à court terme, na makambo à long terme. Soki bolobi to pesa Félix ce temps à long terme, makambo à long terme, ça va. Mais à court terme, qu'est-ce que Félix a fait? Qu'est-ce que Félix a fait? Qu'est-ce que Félix a fait? Ngana yebisa kabino ke Félix a tab kabila lelo akimi ou akufi. Si vous laissez Félix même pendant 50 ans, Félix ne fera rien. Parce que le problème ezali capacité intellectuelle. Le problème ezali patriotisme. Le problème de Félix, c'est l'argent. Le problème de Félix, c'est l'incapacité intellectuelle. Kabila lelo akoki kolongwa. Est-ce que na kati ya présidence ya Félix Kabila mutuazo géré? Présidence ya Félix Kabila mutuazo géré? Projet ya 100 jours, est-ce que c'est Kabila qui a géré ça? Mais non, il faut pas tout jeter Kabila. Kabila a empêché Félix, Kabila a empêché. Est-ce que Kabila mutuazo empêché Félix a bongisa bureau na ye? Kabila mutuazo peksa Félix a longola miyibi na bureau na ye parce que akolonga miyibi ya ngondeni ye moko na miyibi. Le problème à Félix, ce n'est pas seulement Kabila. Le problème à Félix, c'est Zali Yemoko Félix. Il a un problème sérieux. Il y a capacité intellectuelle. Azali na vide makasi d'instruction. Azali na problème sérieux de patriotisme. Il n'est pas patriote. Il n'est pas patriote. Bien que Congolais, mais il n'est pas patriote. Cause à la citoyen d'un pays, ce n'est pas suffisant. Il faut être citoyen d'un pays et patriote. Parce que bande ko nyoso bazo tala biso bazo beta maboko. Soit observateur, bazali ba citoyen congolais, mais bazali ba patriote te. Ozo sa le loko, il faut appuyer bande ko oyo bazo zwa risque na vie. Ozo zwa ba risque. Mais il y a des citoyens congolais qui viennent na ba inbox. Ah, papa, makambo lobi vraiment, yango ana penza woniaki esika yango. Bimisa biloko nyonso papa. Et que faites-vous? Yo, ozali ko salani. Oui, ozali citoyen congolais, c'est vrai. Mais vous n'êtes pas patriote. Patriote azali moutoua koloba, comment faut-il soutenir ba action? Même si, quand même, batumususu bazali... Bazali na habitude wana te ya koloba na public. Mais il y a ba façon ebele ya ko supporter biloko tozo sala. Ko s'abonner nano na chaîne otozo lobela makambo oyo parce que je ne viens pas na chaîne oyo ko sala publicité ya boutique na ngai. Nazo ya awa te ko sala publicité ya boutique ya mwasi na ngai. Nazo ya awa pona problème ya Congo. Ko s'abonner ya pamba na chaîne, abonnez-vous ozui kaka clique kara moko musapio, cliquez au s'abonner. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Mais ce sont des mêmes personnes, Oyo Kano, Mboka Nabiso, Ezo Kende, Longoni à papa, Salamakasi, Bosala Kakabouye, Kotika Kakate. Mais qu'est-ce que vous faites pour nous soutenir Yango? Au s'abonner à Pamba, Ozo Salate. Oui, Bandeko Oyo Bazali, ba Congolais, mais Bazali, ba patriote. Baza ba patriote. Ok, quelque part, yo ki on complote pour nan deko na yo, parce que azolo ba vérité, ya mboka na yo po, mboka eko mamala, moutou nyo sa se retrouve. Ozo yo ka bazo complote pour na yo garde silence. Ah, papa, sal attention, hein? Ma bato baza bien te. Mais oza na ba information. Ozo banga koloba, na koloba te. Est-ce que ozo aide mboka na yo? Ozo aide mboka na yo? Alors, donc, Félix a reçu les locaux morotés pour Namboka Nadisho. Warabo Tiago Namutu. Na koyi komi diembika, Félix ne fera rien Namboka Nadisho, rien. À part ko yiba, mbongo, na kolia, na ba anniversaire, na ba mariage, na ba matanga. C'est tout. Un président de détournement, un président yaba funérailles, un président de mariage. C'est fini. Alors, ce qui est le bon, il y a un mot qui est un genou. Mais la vidéo est un peu comme ça, il y a un mot qui est un genou. Excusez-moi, je pense que les enfants, bazate parce que vidéo, j'ai bloqué. Commande y a ben enfant, c'est pas pour les enfants, mais nana yebi ba genou ya mututé, nana yebi sexe à moi cité, nana yebi sexe à mobilité, mais congolais soyo ikaka vidéo et bimi ba balakisi ba genou ya mokuna pour na genou ya pamba congolais azo somba mega atinda message na mutu oyo a publié ngo pardon tinde langa vidéo wana na WhatsApp. Batine la vidéo ya ma genou ya mokuna na WhatsApp. Il paye ba méga. Mais jamais Congolais zo somba méga pour akabola ba vidéo ya bato oyo bazolobela makambo ya mboka. Mboka etonda ba pasteur, mboka etonda ba église. Bazoko ko délivrer mboka oyo te. Est-ce que prière wana za malamu? Parce que ngana ko ba mboka to vandi. Batu basambi la kapenye ya solo bango. Parce que bazala na souffrance ya koleka kutu oya biso. Ba pasteur na bango mabolongo na seko sambela. Batu na bango misala. Lelo ba mboka kore zo koma ba 11e puissance économique du monde. Alors vous, bozo bebi sabiso mato yi butu moyi ba veye na bino. Banda bo banda ba priye rata yi gui ya pamba batu bazo salate. Est-ce que bozo mona te ke façon ya priyere pe fwe changer? Bozo mona teke metode o bato ba kongole bazo senga na nzambe, eza metode malamu te ubiye, bato o bazo guide bato po ba komisa ba priye pa nzambe, bazali bato o baza sensé te ko sala musala wana. Parce que quand vous êtes fuyé, vous ne pouvez pas aider le peuple pour na komisa ba priyere ko aider bango koma priye die. Mukuna ako yiko aider bato te po priyere na bango ezala malamu. Mukuna d'abord lui-même est fuyé. Ba pasteur congolais, bo sala introspection. Comment expliquer banda mboka ezali mboka? Vous priez, beglise, beglise, chaque balabala, balabala moko ya 1 km, comme on a beglise 50. Ma pangu 3 et landana babaf ya beglise différente. Vous priez un seul Dieu. Mais bino moko ba division, na balabala moko ma pangu et landani 3, 3 églises différentes. Kuna bazo sambela Jésus, koto bazo sambela Jésus, kuna bazo sambela Jésus, mais vous n'arrivez pas à vous réunir déjà au niveau spirituel ya Nzambe, au niveau ya religion, o balobi ke kuna bolingo ezalaka, kuna mutema mabe ezalaka te ba pasteur baza ba wè ya Nzambe, vous n'arrivez pas bo sangana. Comment expliquer ba politicien ba sangana? Bino moko. Le pasteur, vous n'arrivez pas. Désordre. Ba sex tape. Karabino. Mais non. Congolais, faut comprendre que Batu Oyo ezali juste Batu Yanzala, Libumu, d'abord, ba pasteur. Quelqu'un, Oye, baka kotanga ba verset biblique, o lali o lamuki lobi, oke na Pascal, o sombi zakazakade mbunda, moi, ser, moko yemba bien, o chewana, Batu pe ba ye, ale prophétie pe bandi. Bota la résultat. Bota ya résultat. Bolobi na banzembo nyonso ezali ya nzambe toko zange lote. Kaka na maloba, nyonso ya nzambe toko zange lote. Bozo liate, bozo latate, bozo kende hôpital te, bana bazo kende klasse te. Alors, ezali nyonso ya nzambe. Mais des gens, de ma peuple loko la ba coréen par exemple, ils vont se dire que oui, biso tozali pena ba nzambe, ba pasteur na biso, ba aide biso, ba prière na biso tozali ki na pasi talande ke to komi lelo. Avec preuve, pièce contre pièce. Oya biso na maloba banzembo soki babandi banzembo awa. Mais okoloba ke non nzambe penza avandaka na mboko yo. Mais tala siko réalité. Tala résultat. Pasteur mutazo so maloba. Ndako ye église to so église. Église ezana na place te. Bana nzambe to sambela boye ndenge nini ba locataire to sa na place te. Oui, to cotiser to somba ba cotiser. Bo cotiser, vous dites bien, to cotiser. Vous avez cotisé, c'est-à-dire que vous êtes tous copropriétaires l'église wana. Mais lelo église so epanzani lupango comme il y a pasteur parce que elle ba somi na livré combo ya nani? Ya pasteur. Deuxième nom ya nani? Moi c'est pasteur. Troisième, moi na ya pasteur. Combo ya diacre te? Combo ya évangéliste te? Mais quand vous voyez des églises comme des églises kimbangistes, églises catholiques, protestantes, ce qui va sombi le pan ou pour une église, ils allient na combo église. Ce n'est pas na combo ya pasteur. Ce n'est pas na combo ya cardinal. Ils allient na combo ya église. Cardinal soit koufi, ndakouana etikali na combo ya église. Mais ba farcero yo nyon so bozomona. Soki bosombi nani atombola musapi ke pasteur na bango bosombi lupango na zana kombo église botanga komba pasteur na église wana adresse bopesa total congolais ali naïf voilà merci pona lelo je pense que est d'accord na biso tikali au gash na tikali na 25 minutes les canacours et merci pour la journée à l'élo merci pour la Hollande Bissot merci pour la s'abonner et la notification pour cliquer sur les en ligne pour mon abisso et bandeko bazali na Facebook pe merci mingi pour la bino et bon meka toujours qu'on s'abonner na YouTube même ma méga exacte bon s'abonner un jour ba méga il y a toujours hein? Et ils allaient faire sacrifice ko landa biso ko tika makamusu bozo sala na moment oyo batu mingi bazala misala batu mususu bazolala alors ko landa biso ils allaient quelque chose qui nous tient à cœur to remercier bino c'est pas facile aussi hein? Merci beaucoup et lo comme sous to pesa bino exacte juste sacrifice. Et malgré d'abord ça n'a juste un petit point ya koloba que ba tentative belé zoyé la biswa excusez-moi bandeko basi il faut pas qu'on se ridiculise si ko na banda ko enregistrer ce que benginga yi ozo insister papa nazan likambu il faut aider ngai OK benga ko benga ngana linga ko benga vidéo ti. Mais bandeko mingi na zomona ya basi ko benga zo benga vous regardez comme ça la dame ni alors ata ozali ndeko na ngai moins que na yeba yo bien ce que bengi ngai na vidéo je ne prends pas alors na ye ko zo siko yo décision que soko bengi nga ndengwana na enregistrer yo et je publie ça. Et bandeko mususu bazali ko yana ba tentation prof ko yo sala musala madame d'abord profil photo exacte combo moko bizarre prof musala ozo sala eza bien tinda numéro ya compte comme ça to tinda la yo mbongo pona musala ozo sala. Est-ce que moi j'ai déjà demandé na bato ba contribuer pona musala na zo sala? J'ai assez de moyens ya ko sala musala na zo sala na ko mener lit oyo solo j'ai des moyens à le faire na za na besoin te que mutu moko na profil moko bizarre, combo moko bizarre, pesa numéro à compte, na adresse, place aux ali comme ça, contribution na biso to tinda kuna, na sala demande ya contribution ti. Soki bo yoka mutu asenga bino ki prof yombe yo senga contribution, mutu na za muyibi. Alors, je connais ba je wana ndenge zali, je connais. Et ba la saka na vie singe te ndenga ko sala ya ko sala ba grimace. Faites attention. Si on a maintenant publié, voilà. Merci beaucoup. Merci pour les fleurs, Elio. Merci. Tokutani Mukolo Mususu. Vous abonnez déjà. Hein? Voilà. Merci. Allez, au revoir. On n'en se parle ici.